Bonsoir et re-bienvenue à Amandla sur CKUT 90,3 FM à Montréal, CKUT.ca autour du monde. Alors, ce soir, on vous présente un entretien de Mouloud Idir avec Rémi Béchamp, professeur de droit international à l'UQAM et directeur du Centre d'études sur le droit international et la mondialisation. Il discute de l'origine idéologique et institutionnelle du concept de la responsabilité de protéger, de la faiblesse juridique de cette notion, des contradictions de cette notion et de son instrumentalisation par les puissances occidentales. La discussion porte notamment sur la mise en application de ce concept l'an dernier par l'OTAN dans l'expédition punitive en Libye. Alors, bonsoir Rémi Béchamp. Bonsoir. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est de nous expliquer un peu, de retracer l'itinéraire de ce principe qui a été invoqué par le Conseil de sécurité l'année dernière, en mars 2011, en vue de justifier l'attaque orchestrée par l'OTAN, ce qui est le principe, en fait, de la responsabilité de protéger. Comment est-ce que ce principe a été institutionnalisé au niveau international? Juste nous donner quelques repères historiques pour cerner un peu l'historicité de cette notion et comment est-ce qu'elle a été adoptée, si tu veux, par les institutions internationales, et comment on en est venu à l'invoquer dans le cas libyen lors de l'expédition de l'OTAN pour théoriquement protéger la population libyenne de la dictature de Kadhafi. Okay. Ben, à partir de 1945, à partir de l'instauration de l'Organisation des Nations Unies, l'ordre juridique international s'est constitué autour du principe de la souveraineté des États et de la non-intervention, sauf dans certaines exceptions, comme dans les cas de menace à la paix et la sécurité internationale. Okay. Donc ça, c'est le principe qui a présidé, qui a été le fondement, en fait, de cet ordre juridique international. On est arrivé au cours des années 90 avec des situations comme le Rwanda, comme Srebrenica, etc. La Yougoslavie. Exactement. Et il y a des gens, en fait, les humanitaires, appelons-les comme ça, la communauté internationale, entre guillemets, qui ont commencé à se dire qu'il fallait intervenir absolument dans les cas où il y avait génocide, mais ça c'était déjà couvert grâce à la convention sur sur le génocide, mais là où il y avait visiblement des exactions de grande ampleur. Donc c'est à partir de ce moment-là, fin des années 90, où on commence à parler de la responsabilité qu'aurait la communauté internationale d'intervenir dans ces cas comme ça. Alors, ce principe-là a commencé à faire du chemin, notamment au Canada. Il y a certains centres de recherche qui ont été particulièrement actifs dans la mise en place et dans la promotion de ce principe-là. Et ultimement, c'est en 2005, lors du Sommet mondial des Nations Unies, en fait, qui était une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui célébrait, en fait, le 60e anniversaire de la fondation de l'ONU, qui est arrivé avec ce principe-là. Mm-hmm. Donc, dans le document qui a la valeur d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est dans ce document-là que, dans deux ou trois paragraphes, on commence à parler de la responsabilité de protéger. Donc, c'est 2005, grosso modo, là, qui est la date à partir de laquelle là, ceux qui défendent ce principe-là considèrent que c'est devenu un principe juridique. Alors, justement, que je conteste. Que tu contestes, et la question sur laquelle j'aimerais t'entendre, qui est la suivante, c'est quels sont les fondements juridiques de ce principe? Alors, justement, quelles sont les assises de ce principe au niveau du droit international et quelles sont les critiques que, visiblement, on peut en faire, parce que tu sembles critique de cette notion? Oui, c'est exactement ça. C'est le fondement juridique de ça, c'est le document le document final de 2005 qui a la valeur juridique d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mm-hmm. Donc, le document final du sommet mondial de 2005. La critique qu'on peut y formuler, c'est que, historiquement, on n'a jamais considéré qu'une résolution des Nations Unies avait une valeur juridique, sauf dans certaines situations, sauf dans certaines exceptions. Des exceptions comme, par exemple, exception, la première, c'est tout ce qui concerne la régie interne des Nations Unies. C'est-à-dire que l'Assemblée générale a évidemment le pouvoir d'adopter le budget. Donc ça, c'est une résolution qui a un pouvoir juridique. A le pouvoir juridique de créer des organes subsidiaires, par exemple. Donc ça, ce serait des résolutions qui auraient valeur juridique. Des résolutions qui sortent de l'organisation centrale. De ce que tu appelles la régie interne. Exactement, de la régie interne, ça n'a pas valeur juridique. Sauf, encore une fois, il y aurait une deuxième exception. Lorsque cette résolution-là ne crée pas du droit, mais constate du droit. C'est-à-dire, comme par exemple la fameuse résolution de 1970, la résolution 2625, qui établit ou qui évoque les principes généraux du droit international. Okay. Est-ce que tu peux en dire quelques mots sur cette résolution 2625, puisque ce principe essentiel à la stabilité des relations internationales a été répété à plusieurs reprises, et notamment donc dans cette résolution 2625, et si tu veux, la stabilité, le principe essentiel qui est celui de la stabilité des relations internationales. C'est là-dessus que j'aimerais te dire. Oui. OK. Le principe général de cette résolution-là, en fait, c'est que l'Assemblée générale se réunit et essaie de formuler ou de mettre sur papier ce que chacun considère comme étant déjà du droit coutumier, mais considère que sont les principes qui président ou qui sont centraux, qui sont fondamentaux à l'organisation juridique du monde. Des relations internationales. Et là, parmi ces éléments-là, il y en a plusieurs qui reprennent des éléments qui sont déjà consignés à l'intérieur de la Charte des Nations Unies, 1945. Un mot d'abord, avant de parler de la 2625, un mot sur la Charte des Nations Unies. D'accord. L'article 103 qui dit que, en cas de contradiction entre la Charte et un autre traité, ou une autre règle de droit, c'est la charte qui prédominera, en fait, qui aura préséance sur l'autre traité, par exemple. Donc, certains vont nous donner, tu peux nous donner un cas d'exemple de contradiction? Je ne sais pas s'il y en a. J'en trouve pas, parce qu'on a toujours réussi à essayer de trouver un équilibre, en fait. Bon, là, c'est ça, évidemment, là, on est dans la rhétorique. Là, il y a toujours façon de dire qu'il n'y a pas de contradiction. Et parmi l'ironie de tout ça, c'est que dans l'ALENA, il y a exactement le même article, l'article 103 aussi, qui est dans le premier chapitre de l'ALENA, qui dit exactement la même chose. Donc, ironiquement, si l'ALENA se trouvait être en contradiction avec la Charte des Nations Unies, les deux diraient, notre article 103 dit qu'on a préséance, donc je ne sais pas comment on trouverait l'équilibre. Tout ça pour dire que, donc, on considère que la Charte des Nations Unies, ou certains considèrent que la Charte des Nations Unies a valeur constitutionnelle à cause de cet article 103-là. Et ce qui est important de dire sur la Charte, et ça va se refléter plus tard dans la résolution 2625, c'est que, en fait, l'article 2.4 de la Charte qui dit que les membres de l'organisation doivent s'abstenir dans leurs relations de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout autre État. Okay? Donc, le principe central est de ne pas intervenir contre un autre État, contre l'intégrité territoriale. Et après, l'article 2, paragraphe 7, qui dit qu'aucune disposition de la Charte n'autorisera les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Mm-hmm. Okay? Donc, ça, c'est le principe qui dit, quoi qu'il advienne à l'intérieur d'un État, les autres États n'ont pas la capacité d'y intervenir. Mm-hmm. Okay? Donc, ça, c'est... Sauf si la paix et la sécurité internationale sont menacées. Exactement. Et là, on en arrive, avec les exceptions à l'intérieur de la Charte, le chapitre 7, qui dit exactement ce que tu viens de dire. L'article 42 qui dit que le Conseil de sécurité pourra prendre des actions nécessaires au maintien ou au rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale. Premier exemple à l'intérieur de la Charte. Deuxième exemple, c'est l'article 51 qui évoque le droit de la légitime défense. Okay? Donc, ça, c'est le centre, la pierre angulaire. Ça, c'est un peu ironique parce qu'il y en a, deux, donc on ne peut pas parler de pierre angulaire, évidemment, mais c'est les principes centraux de l'organisation juridique du monde là, qui sont ceux-là. Et bien entendu, il est très difficile, dans ce cas-là, à la lumière du Caribien, qu'en est-il justement? Est-ce que, par exemple, ce qui s'est passé en Libye avant l'intervention de l'OTAN peut être invoqué comme une menace, justement, à la sécurité internationale? Eh bien, là, on rentre dans des considérations politiques. Ben, on rentre dans des considérations. Et dans un rapport de force, bien entendu. Oui, c'est qu'en fait, à mon avis, comment dire, toute situation peut, ou presque toute situation où il y a un peu de brasse camarade, peut être considérée par un esprit tordu comme étant une menace à la paix et la sécurité. Mm-hmm. Okay? Et toute l'ironie de l'histoire, et on pourrait y revenir tantôt, mm-hmm. c'est qu'ultimement, on a utilisé... Bon, là, c'est pas le Conseil de sécurité qui était intervenu en Libye, là. Mm-hmm. Sauf qu'on a utilisé, d'une certaine façon, en fait, ce principe-là pour justifier une intervention, alors qu'ultimement, l'intervention a créé une menace et une rupture à la paix ou un danger à la paix et la sécurité internationale. On a vu ce qui s'est passé au Mali. Notamment. On voit, par exemple, en Libye, là, actuellement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a des régions sécessionnistes, la Cyrénaïque, par exemple. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est le spectre de la partition. Exactement. Et un dernier rapport d'Amnesty International fait état, notamment, de multiples violations qui sont orchestrées par toutes sortes de milices qui ont proliféré depuis, finalement, cette invasion. Alors, justement, là, c'est le point suivant sur lequel j'aimerais que tu insistes dans le cadre de notre émission, c'est le principe de la souveraineté des États et pourquoi, justement, au terme, si tu veux, de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le principe de la souveraineté a été considéré comme le socle des relations internationales et un socle fondamental et qui permettait surtout aux pays les plus faibles, justement, de ne pas subir toute forme d'ingérence. J'aimerais que tu élabores là-dessus. Okay, c'est une très bonne question. C'est parce qu'historiquement, l'histoire du droit international, si cette histoire-là a une caractéristique, c'est peut-être celle-là, c'est qu'on l'a toujours utilisé comme rhétorique pour justifier les interventions des interventions colonialistes ou impérialistes. Mm-hmm. Par exemple, on a utilisé différentes stratégies rhétoriques là, pour ça. Le droit international, parfois, ça a été la civilisation. Mmh. On voulait aller porter la civilisation au peuple, en guillemets, arriéré, donc il fallait intervenir. Mmh. Dans d'autres cas, ça a été, il faut aller défendre le droit naturel, donc c'est pour ça qu'il faut, ça c'est Francisco de Vitoria qui disait ça. Non, on n'entend pas de spécialité entre juristes. Oui, non, je sais, mais pour faire le résumé, c'est que certains justifiaient en fait l'intervention coloniale au 16e siècle dans la Nouvelle-Espagne. Mm-hmm. Dans les colonies espagnoles, justement, en utilisant le droit naturel. Donc, les Indiens, comme les appelait Vitoria, font ci, ça, c'est contraire au droit naturel, donc ça nous permet d'intervenir. Et là, après ça, il y a eu, par exemple, le système des mandats qui a justifié au nom du fait que certains peuples étaient incapables de bien gérer, donc d'atteindre un stade leur permettant de bien utiliser la souveraineté, donc il fallait leur apprendre à être souverain. Et là, ça justifiait, par exemple, le système des mandats. Mm-hmm. Et là, on a parlé de la Banque mondiale, qui a les États savent pas gérer, donc on va leur imposer une certaine gestion, gouvernance, la bonne gouvernance. Là, il y a toute une rhétorique comme ça. Mm-hmm. Et là, si on se ramène à 1945, là, évidemment, on parle pas encore de la Banque mondiale, mais les États... du tiers-monde, notamment les nouveaux pays indépendants ou qui sont en voie de l'être ou qui se préparent à l'être, disent « Oui, mais on ne veut pas que ça continue. On ne veut pas qu'on utilise n'importe quel prétexte pour nous envahir ou pour intervenir dans nos affaires. » Donc, c'est pour ça que le principe de la souveraineté est si important. Voilà. Alors, merci pour l'explication. Ça éclaire le débat. Mais un point sur lequel j'aimerais t'entendre, qui a déjà fait l'objet de nos discussions amicales, mais que j'aimerais que tu partages avec nos auditeurs, c'est que tu disais tout à l'heure au début de notre entretien que la principale source juridique de ce document, donc de ce principe, pardon, de la responsabilité de protéger, c'est un document adopté par l'Assemblée générale de l'ONU au sommet de 2005, qui a bien montré que les fondements juridiques de ce document sont faibles. Alors, j'aimerais que tu donnes des exemples au niveau historique. Comment est-ce que des principes similaires ont été adoptés dans le passé, comme le principe du nouvel ordre économique international? Ouais. Et là, cette fois-là, lorsque ce sont des États issue de la décolonisation, c'est-à-dire au moment le général a été dominé par ce qu'on appelle notamment le groupe des 77, lorsque ce nouvel ordre économique international a été voté, là ce sont les pays dominants, les pays occidentaux, qui disaient non, précisément, ce principe n'a pas de valeur juridique. Alors j'aimerais que tu élabores et que tu le mettes un peu en dialectique avec le principe de la responsabilité de protéger. Ok, ben, tu as sûrement donné le meilleur exemple, c'est qu'il y a eu des gros débats, notamment il y a... c'est ça. Durant les années 60-70, il y a plusieurs résolutions qui ont été adoptées qui octroyaient ou qui faisaient la promotion, en fait, de ce qu'on a appelé la souveraineté permanente sur les richesses naturelles, qui permettait aux États du tiers-monde, bon, je pourrais justifier le terme tiers-monde éventuellement, qui permettait aux États du tiers-monde de prendre possession, en fait, de leurs richesses naturelles, éventuellement d'exproprier ou de nationaliser celles-ci en échange ou dans des conditions juridiques particulièrement avantageuses. Or, à ce moment-là, le débat qui existait entre le tiers-monde, qui pensait être capable de changer les choses grâce au droit, grâce à des résolutions de l'Assemblée générale, disait, ben écoutez, le tiers-monde disait, écoutez, là, ça, c'est ça la démocratie. Donc, le discours était de revendiquer la démocratie grâce aux résolutions de l'Assemblée générale. Et là, à ce moment-là, les États occidentaux récusaient cette thèse-là en disant non, le vieux principe juridique du droit international, ou vieux principe du droit international, le volontarisme juridique, non, la seule chose qui devient du droit, c'est des règles auxquelles chacun des États individuellement ont souscrit, exactement. Alors là, le débat, alors que ces résolutions-là auraient été à l'avantage du tiers-monde, les Occidentaux disaient non. Et là, tout à coup, les Occidentaux veulent pour des principes XYZ. Personnellement, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie dans leur motif ou dans leurs explications. Et là, tout à coup, on renverse. Et là, une résolution comme celle de 2005 est rendue acceptable. Est rendue du droit. Alors moi, je suis confus. Ça, c'est un argument très fort. Comment se fait-il qu'il ne ressort pas beaucoup dans la presse? Et comment se fait-il que cette ambiguïté-là, qu'on peut ressortir avec des exemples du passé comme celui-ci, visiblement de multiples juristes qui interviennent à la faveur du débat sur l'agression de l'OTAN en Libye, tous ces enjeux-là sont masqués. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Si j'étais ironique, je dirais peut-être ceci. C'est que une bonne partie des gens qui s'intéressent ou qui prennent position sur ces débats-là sont des politologues qui connaissent peut-être pas aussi bien le droit international qu'ils le devraient. Bon, qu'ils le devraient, qu'ils connaissent pas le droit international, c'est leur affaire, là. Mais à partir du moment où ils utilisent ce langage-là, c'est-à-dire le langage, par exemple, de la responsabilité de protéger, moi, il me semble qu'ils devraient avoir l'obligation, en fait, de s'intéresser un peu à la valeur juridique du document qu'ils évoquent. Une autre tendance, d'autres gens qui parlent de la responsabilité de protéger, c'est des juristes qui, eux, devraient être au courant, mais les juristes étant par définition, ou des internationalistes, devrais-je dire, étant par définition des gens qui souvent s'intéressent ou sont des humanistes et veulent intervenir dès qu'ils voient une exaction ou une violation des droits humains, sans nécessairement essayer de faire une analyse politique des racines de ces violations-là, ni des impacts de l'intervention, ben, ces gens-là veulent intervenir parce qu'en même temps, c'est leur job. Quand les juristes interviennent, ben, ils se sentent valorisés. Et eux n'ont peut-être pas intérêt à faire remarquer que le document de 2005 est d'une valeur juridique douteuse. Alors justement, ce principe de la responsabilité de protéger, il a été donc invoqué pour la première fois dans le cas libyen. Dans le cas de la Syrie actuellement, il y a toute une multitude d'acteurs qui disent justement qu'il faudrait y recourir, donc invoquer le même principe pour aller attaquer par exemple un pays comme la Syrie. Alors justement, quel précédent ça crée pour le droit international justement que de voir le droit international instrumentalisé de cette façon, et quelle réflexion ça suscite chez toi tout ça? Le précédent, moi ça me semble que... À partir de maintenant, dès qu'il va y avoir du branle-bas de combat dans un État en particulier, et que ça va être dans les intérêts des Occidentaux d'intervenir, on va utiliser le principe de la responsabilité de protéger pour le faire. Mais quand il y a de la répression de la part d'un État et qu'on est ami avec cet État-là. Mm-hmm. On va continuer à dire que c'est de la répression justifiée parce que c'est Al-Qaïda qui organise les troubles et que dans le fond, là, c'est plus de la répression qui justifie la responsabilité de protéger, mais c'est de la contre-insurrection qui sert à lutter contre le terrorisme. Mm-hmm. Donc, en d'autres termes, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en face. Le droit international donne des outils pour que les Occidentaux puissent intervenir quand la répression fait pas leur affaire et leur donne en même temps des outils pour aider les États qui décident d'exercer de la répression sur leur population parce qu'on peut enrober ça sous le principe de la lutte contre le terrorisme. Alors qu'en réalité, en Syrie par exemple, on sait de plus en plus, on est de plus en plus au courant du fait que il y a une bonne partie de l'opposition qui est infiltrée par des groupes que dans un autre contexte qu'on qualifierait de terroristes, parce que c'est des gens qui sont pas des Syriens, c'est pas la population locale, sont armés par des intérêts extérieurs. Exactement, tout à fait. Alors, mais les mêmes exemples, on les observe en Libye notamment, non? Oui, exactement. Ouais. Alors justement, tout à l'heure tu avais dit que les deux, comment est-ce que je pourrais dire, les deux exceptions qu'on pouvait, qui pouvaient justifier des interventions, c'était la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la question des crimes contre l'humanité. J'aimerais que tu reviennes sur les exceptions à un court moment, s'il te plaît. En fait, ça revient, je ne sais pas qu'en dire de plus. En fait, c'est que cette convention-là, qui a été ratifiée par la plus grande partie des États, en fait, j'ai pas de souvenir. Mais tout ça pour dire, cette convention-là exige des États qu'ils interviennent lorsqu'il y a un génocide. Mais un génocide, là, c'est très circonscrit juridiquement. Exactement, là, on ne parle pas de 500 ou 1000 opposants armés. Ou même des armées qui sont éliminées par le régime. Là. Un génocide, ça répond à des critères bien précis. Là. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une élimination systématique pour des causes reliées à la race, à la religion, à la langue ou à d'autres critères comme ça. Là. C'est une élimination systématique. Mmh. On n'a pas vu ça au Liban, puis on ne voit pas ça en Syrie. Ou en Libye, on ne voit pas ça en Syrie. Alors justement, dans une critique qui a été faite par le juriste Robert Charvin, il dit que le principe de la responsabilité de protéger a été invoqué justement par les États-Unis, la France, bref, les pays de l'OTAN, justement pour punir le régime libyen, pour venir en aide d'abord à des populations civiles. Mais dans ce cas-là, un des flous juridiques précisément qui a été soulevé par Robert Charvin, c'est le flou de la notion de civil. Par exemple, des groupes armés, est-ce que ce ne sont pas, par exemple, des civils armés? Alors, qu'en est-il justement quand ce sont des civils armés, c'est-à-dire des groupes armés de l'extérieur qui contestent un régime? Est-ce que, par exemple, un régime n'est pas justifié, justement, de les réprimer? Ça, c'est la question juridique, c'est la question politique. Mais en fait, le point que je voudrais soulever, c'est que j'essaie de soulever, c'est qu'ultimement, le droit est à la remorque du politique. Voilà. Et que le droit permet de défendre la position qu'on veut. Le droit permet de défendre la position selon laquelle on va intervenir et le droit permet de justifier la répression à l'intérieur d'un État. Et on a juste à jouer un peu avec les faits et avec les définitions. Et finalement, le droit est derrière nous. Il suffit juste d'être plus fort que l'autre pour défendre notre argument juridique. Alors justement, devant le cynisme qui semble caractériser la politique des grandes puissances qui usent justement de ce principe, alors est-ce qu'il n'y a pas un risque précisément aux yeux des populations du tiers-monde de déprécier, en tout cas de dévaloriser la notion même de droits humains parce que le flou équivaut très souvent autour de ces notions? Déprécier la notion de droits humains, j'en sais rien. Je veux dire, ultimement, les droits humains, c'est un élément à prendre en considération dans la balance. Mais si une intervention qui sert à sauver 400 vies finit par en coûter 2000, Je sais pas, moi, si les droits humains sont respectés. Tu sais, ultimement, c'est... Sans tomber dans une analyse instrumentaliste, là, mais, tu sais, fondamentalement, il faut qu'on prenne ça aussi en considération. Ce que tu es en train de dire, finalement... C'est que je suis pas contre les droits humains. Tout à fait. Mais le nombre de morts qui a résulté de l'intervention de l'OTAN, ou la logique induit cette intervention, fait qu'il y a un nombre de morts qui est incroyable actuellement. Et à partir de quels critères on peut justifier, ou on peut, en tout cas on peut justifier de la viabilité d'une intervention étrangère quand on voit qu'elle génère autant de violations et autant de victimes, justement? Ben, je sais pas, mais tu sais, mon point, je pense qu'il faut rappeler, c'est que il y a tout le temps... Les interventions occidentales ont bien souvent eu des impacts à très long terme, et ces impacts-là ont souvent été négatifs. On peut penser à l'intervention des États-Unis, par exemple, à l'aide des États-Unis aux Moudjahidines en Afghanistan dans leur lutte contre les Soviétiques, qui finalement a créé une radicalisation religieuse en Afghanistan, radicalisation qui s'est étendue un peu partout, qui a eu des ramifications et des impacts aussi loin que en Algérie, par exemple. Il y a des thèses qui expliquent en partie, voire en grande partie, la guerre civile en Algérie du fait de la radicalisation en Afghanistan. Là, maintenant, sur les effets de l'intervention en Libye, on peut voir, là, on a parlé de ce qui s'est passé au Mali, on peut penser à ce qui va peut-être se passer s'il y a des mouvements sécessionnistes à l'intérieur du pays. Mm-hmm. Mais on peut aussi peut-être présumer que les Syriens, si en Syrie il y a autant de résistance de plus en plus armée et de plus en plus qui vient de l'extérieur, c'est que les gens sont sur l'impression que s'il y a des désastres et des catastrophes comme on en voit depuis un an, ben, l'OTAN va finir par intervenir comme ça s'est passé en Libye. En d'autres termes, pour sauver la vie de peut-être 1000 personnes en Libye, et là, je sous-estime pas du tout les coûts, je suis pas en train de dire que 1000 personnes, c'est rien, là. Je veux dire, c'est énorme. Une vie, c'est énorme. Sauf que si pour sauver 1000 vies, on finit par en sacrifier 2000 dans les bombardements, 500 dans un coup d'État dans le pays d'à côté, 1000 en Syrie, et que là, ça finit par radicaliser une certaine tranche de la population qui, eux-mêmes, commencent à avoir des activités dans d'autres pays, qui finissent... Là, on n'en finit plus. C'est-à-dire, on a sauvé Pierre, on a déshabillé Pierre pour habiller Jean, mais en plus, on n'a pas juste déshabillé Pierre, on a déshabillé ses 10 amis aussi. Là. Je veux dire, ultimement, c'est ça la situation. Il faut prendre acte des leçons de l'histoire. Mm-hmm. Ces leçons de l'histoire-là nous montrent que les interventions humanitaires créent plus de problèmes qu'elles n'en Entretien entre Mouloud Idir Damandla avec Rémi Bachand, professeur de droit international à l'UQAM et directeur du Centre d'études sur le droit international et la mondialisation.